بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنواصل في قراءة فضل رب البرية بشرح ضرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc nous continuons dans la lecture du livre Fadl Rabbi al-Bariyya, dans l'explication de Durar al-Bahiyya. Nous nous excusons pour nos frères qui doivent suivre en direct. Nous avons un problème de réseau, donc souvent ça ne va pas passer. Donc, Bismillah, si ça ne passe pas, vraiment, il faudrait qu'ils comprennent que c'est un problème de réseau ici. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer le grand chapitre des funérailles, qui est Kitabu al-Janaza. Kitabu al-Janaza. Voyez, le chapitre des funérailles. Al-Janaza, avant de rentrer dans le tarif du Cheikh, Al-Janaza, c'est tout ce qui concerne la maladie jusqu'à la mort de la personne, jusqu'à son enterrement, et ce qu'il y a après l'enterrement. C'est ce qu'on appelle al-janaza. Donc le cheikh il dit al-janaiz ou janaza, ici il a dit kitab al-janaiz. Janaiz, c'est le pluriel de janaza. Al-Janaiz, c'est le pluriel de Janaza. Yukalu, on peut dire en arabe, Jinaza, avec le kasra, le jim. Jinaza. On peut aussi dire Janaza, bifathiha, avec le fatha. Mais le kasra, afsah, c'est plus clair dans la langue arabe. Jinaza, qui veut dire le funérail. Taïb, wa ma'naha, son sens, c'est an-na'shu. An-na'shu, ça désigne ici le lit qu'on dépose le mort dessus et on soulève. Ça va? Donc, c'est ce qui est un na'sh. Le na'sh, c'est ce qu'on soulève. Tayyib. Donc, awil mayyit, ou bien le mort. Janaza aussi, son sens veut dire le mort. Wa tutlaqu ala na'shi wal mayyit ma'an. Mais on donne le sens sur un na'sh, qui est le lit sur lequel on dépose le mort pour le soulever. Taïb, nous n'allons pas dire cercueil. Parce que cercueil, ça c'est un autre. Mais c'est le lit. Sarir ou le mayit. On le dépose dessus afin de pouvoir le porter pour l'envoyer dans sa tombe. Pour l'envoyer où? Dans sa tombe. Mais les gens disent souvent une parole. Ils disent dans sa dernière demeure. Hein? On conduit le mort jusqu'à sa dernière demeure. C'est sa dernière demeure? Hein? La tombe. La tombe, c'est Barzakh. C'est la vie après la mort. Mais ce n'est pas la dernière demeure. La dernière demeure, c'est où? Imma il al janna wa imma il al nar. Donc, c'est une erreur sur la langue des gens. Ils disent on conduit, on l'a conduit dans sa dernière demeure. Tayyib. Donc, قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre, il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. On va commencer par quoi? Ce qu'on appelle Ayadatul Marid. Rendre visite aux malades. Donc il dit Wamina Sunnati. Fait partie de la Sunnah Ayadatul Marid. Rendre visite aux malades. Tayyib. Mina Sunnati. C'est-à-dire Ay min tariqatin Nabi. De la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa min hadihi et de sa guidance, ayadatul marid, rendre visite aux malades. Wa mana ayadah, ayadatul marid, le sens de ayadatul marid, c'est quoi? Ziyaratuhu, le rendre visite. Ziyara, ça c'est am. Mais ayadah, ça c'est khas. C'est spécifique pour la visite du malade. Tayyib. Wa dalil sunniyati ay ba'iyadat al-marid. La preuve qui montre le caractère sunna de rendre visite au malade. Qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit haqqul muslim على المسلم خمس. Les droits du musulman sur le musulman sont 5. رد السلام. رد السلام. Répondre à son salam. Sauf si tu es à Fahadr. C'est qui aime Fahadr là. Attention. Hein. Sauf si tu es à Fahadr. Al-Hajru la yakunu ma'a. Salam. Tayyib. Donc, wa iyadatul marid. Deuxièmement, rendre visite aux malades. Wa tiba'ul janaïs. Et suivre le cortège funèbre. Wa ijabati da'wa. Et répondre à son appel. Si t'as invité, venez manger. Il t'appelle à une walima. Cela fait partie de son droit de répondre à son appel. Ça va? Wa tashmitul aatis. Ma mana tashmitul aatis. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de dire Yarhamkallah à celui qui éternue. Ça fait partie de ses droits. Mais s'il n'a pas dit Alhamdulillah, ce n'est pas un droit. Il faut qu'il dise Alhamdulillah. Et ensuite, maintenant, tu dis Yarhamkallah. Tayyib. Abou Fawzan, il faut envoyer un message sur le groupe pour les excuses concernant le réseau. J'ai déjà coupé. Ok? Tayyib. Donc, ensuite, Muttafaqun Ali. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tayyib. Wa qad zakarna ma'na al-Muttafaq Ali. Nous avons mentionné le sens de Al-Muttafaqun Ali. Tayyib, ay, hadha al-hadith, ce hadith, akhrajahu al-Bukhari. Bukhari l'a rapporté. Hein? Tayyib. Dans son authentique. Wa akhrajahu muslim. Et muslim a rapporté. Ça va? Dans son authentique. Wa shahid. منه قول النبي صلى الله عليه وسلم. L'argument qu'on cherche dans le hadith, c'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم qui est عيادة المريض, rendre visite aux malades. Donc, فحق المسلم على المسلم, le droit du musulman sur son frère musulman, c'est عيادة المريض, de rendre visite aux malades. C'est ce qui a disparu aujourd'hui entre les frères avec les réseaux sociaux. On dit son frère est malade, il envoie un message: Shafak Allah Shifa'an Kamilan La Yugadiru Saqaman. C'est une bonne chose, mais en même temps tu oublies l'un des droits de ton frère, qui est le fait d'aller lui rendre visite lorsqu'il est malade. Toyib. Alors mettez cette sunna en pratique. Ça va? Et cette sunna, nous allons voir ici que c'est une sunna, ce n'est pas une obligation. Idha qama bihi al-ba'du. Si certains musulmans ont pu accomplir ce droit, ça devient, ce n'est plus obligatoire sur les autres. Voyez? Par exemple, si un frère ne se sent pas bien et Abdelaziz appelle et puis il va rendre visite au frère et puis il dit aux autres frères: je l'ai déjà rendu visite, khalas, c'est fini. Donc lui il a déjà accompli l'obligation. Donc maintenant personne ne doit blâmer les autres. Pourquoi vous n'avez pas rendu visite à votre frère? Mais Abdelaziz l'a déjà fait. Hein? Hada la Bouddha a eu femme. On doit comprendre cela. Na femme hada. Mais ziyaratul marid wa iyada, c'est le droit du musulman sur son frère musulman. Dans une autre riwaya de l'imam muslim, il a ajouté: parmi les droits du musulman sur le musulman, il y a an-nasiha. An-nasiha, la sincérité. Hein? Et ça, c'est dit, ça a disparu aussi. Je vous l'ai dit, c'est sur le point de disparaître, mais je préfère dire ça a disparu. Parce que le problème est réel. An-nasiha, donner le bon conseil. Hein? Rares sont ceux qui le font. Hein, sauf ceux vraiment qui ont de leur habitude, ça va, de donner le conseil à leurs frères. Mais beaucoup ne le font pas. Ce qui existe aujourd'hui entre les frères, c'est mudahana, mudjamala, voilà, se flatter quoi. Parce que je me dis que, parce que la majorité des fraternités aujourd'hui, c'est pas sincère. Généralement, c'est à cause d'un intérêt. Mais lorsque tu sais que si je lui dis la vérité, il va couper. Ah, je suis avec lui à cause d'un intérêt. Pourquoi je vais lui dire la vérité? C'est ça le problème. Mais si on était sincère, la fraternité, je veux le bien pour mon frère, je lui dis la vérité ou pas? Hein? Avec la manière dont la nasiha fait partie du droit du musulman sur son frère musulman. Dans une autre riwaya, d'abord nous allons voir ici une autre riwaya qui est du hadith de Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, qui dit: haqqul muslim ala al muslim sit, les droits du musulman sur son frère musulman sont six. Qila ma hunna ya rasulallah, quels sont ces droits au messager d'Allah? Qala, il dit: iza laqitahu fasallim alayhi, si tu le rencontres, dis assalamu alaykum. Tayyib. Wa iza da'aka, si t'appelle, si t'invite, fa ajibu, réponds à son invitation. Wa iza stansahaka, si te demande conseil. Istansaha, c'est talabun nasiha. Si tu demandes conseil, fa ansah la. Sois sincère et conseille-le. Wa iza atasa, S'il éternue, fa hamid Allah et loue Allah, fa samithu. Alors, dit yarhamkallah. Wa idha marida, s'il est malade, fa'udhu, rends-lui visite. Wa idha mata, et s'il meurt, fattabi'hu, suis sa janaza. طيب وفي رواية أخرى نزين رواية عندهما شي الإمام بخاري الإمام مسلم من حديث البراءة لحديث البراءة كدي فميس دروسي نصر المظلوم تدي سيكوري سيكي أبرمي وإبرار القسم إبرار القسم C'est, Mathalan, si ton frère jure sur toi, tu dois accomplir ce qu'il a dit. Mais ce n'est pas une obligation, comme a dit l'ulama. Si par exemple ton frère te dit, Wallahi, la taf'alanna kada, et je dis, je jure par Allah que, Mukhtar, tu vas me donner 10 000. Hein? Ne faites pas, hein? Mais, c'est ce qu'est Ibrahim al-Qasam. Tayyib, voilà. C'est le droit de ton frère s'il jure. C'est une chose importante qui te concerne et puis dit, tu vas le faire, de le faire. Si tu as la capacité. Ma lam yakun ismun. Tant que ce n'est pas un péché. Hein? Et l'exemple que j'ai donné, c'est un exemple qui tient. Hein? Mais ce n'est pas une obligation. Ne pensez pas que si vous avez dit Wallahi, Taufik va me donner 1000 francs. S'il veut, il donne. S'il veut, il ne donne pas. Mais ça fait partie aussi des droits, mais pas une obligation. Ça va? Donc c'est ce qu'est Ibrar al-Qasam. Tayyib. Naam. Donc ici, c'est rapporté par Al-Bukhari et l'imam muslim et son lafz. Regardez son lafz. An al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu. Qal. Bara ibn Azib dit, qala la grec. Amarana an-Nabi. Regardez dans le nom du bas de page. Ça va? أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسبع. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous a ordonné. Vous voyez? Donnez-moi. C'est l'autre page. Voici. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسبع. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous a ordonné. Regarde le nom de bas de page. Ça va? Si tu n'as pas vu, tu regardes l'autre côté. Il dit Wanahana et nous a interdit Ansaba. Et nous a interdit 6 choses et 7 choses. Toyib. Amarana et nous a ordonné Bittiba il Janaïs de suivre le cortège funèbre. Wayadat il Marid de rendre visite aux malades. Wa ijabati da'i, répond à l'appel, l'invitation. Wa nasri al-mazloum, et aider, secourir l'opprimé. Wa ibrar al-qasam, et accomplir le serment de ton frère. Wa radd al-salam, et répond au salam. Wa tashmit al-atis, et dit Alhamdulillah à celui qui dit, celui qui est éternu et dit Alhamdulillah. Wa nahana et nous a interdit an aniyati al-fidda, les récipients en argent. Wa khatamu al-zahabi, la bague en or. C'est interdit pour les hommes. Taïb. والحرير la soie, والديباج ديباج c'est نوع من الثياب, c'est comme ce qui est brodé mais c'est en soie et brodé, ça va. والقصي القصي aussi c'est نوع من الثياب, c'est une sorte de vêtement qui est aussi en harir, en soie. Wal istabraq, et le bracelet pour les hommes. Tayyib. Naam. Naam. Toucher le monsieur là. Naam. C'est un droit, non. Maintenant, si je trouve que, par exemple, ton parent est décédé, je connais, c'est les innovateurs qui s'occupent de son corps, surtout les humains de l'innovateur. Est-ce que tu dois suivre le cortège? Bien sûr. Pourquoi tu n'as pas suivi? Ah, on finit de l'enterrer, tu t'en vas. C'est un droit. C'est ton frère. Hein, sauf si lui-même il est innovateur. Hein? S'il est innovateur, bien tafsil. Si c'est un innovateur qui est connu dans la propagation de l'innovation et tout ça, et quelqu'un qui est opposé aux gens de la sunna, si tu suis son cortège, ce n'est plus un droit sur toi. Parce que à la Sabil, tafsis, les innovateurs quittent dans Al-Ukhuwa. Ça va? Non. Donc, même si c'est des innovateurs, tu suis le cortège. Le reste, là, l'enterrement, tout ça, tu peux ne pas le dire, mais tu suis. Ça va? Mais si d'autres musulmans ont déjà fait, ce n'est plus obligatoire pour toi. Ça va? Non. Oui, Abdelaziz. Dans la même veine. Dans ce qu'il a dit, j'ai vu la parole de Saron qui a dit que, par exemple, si un de tes frères ou un frère est décédé, que même s'il y a des innovateurs qui sont là, tu peux partir. Mais par contre, s'il s'agit de la Walima, là tu ne pars pas. Je ne connaissais pas, je n'ai pas compris. C'est ce qu'on a dit. Tu vas au Ljana, c'est un droit. Ça va? Et ce droit. C'est la même chose comme le droit de la walima. Mais la différence entre le droit de la janaza et la walima, c'est que quand tu suis la janaza, tout ce qui est fait, c'est-à-dire le mort n'est pas bimana. Il n'a rien à. En fait, il n'a pas la capacité de changer. Ok, le mort il n'a pas la capacité de changer. La walima, il est là. C'est lui qui t'invite. Il a la capacité de changer. Tu as compris? Non. Tayyib. Donc, ici, wa iyadatul marid, rendre visite au malade, mashru'atun bil ittifaq. C'est légiféré par le consensus. Qala Ibn Hazm. Ibn Hazm dit wattafaqu. Les savants sont unanimes. Ala anna iyadat al marid fadlun. Ça va? Que iyadat al marid c'est un mérite. C'est fadlun. Donc maratib al ijma'. Walakin ikhtalafa ahlu al ilm. Mais les savants se sont divergés fi hukmiha, au sujet de son jugement. Naqala an-Nawawi, l'imam Nawawi a rapporté al-ijma', le consensus, ala annaha, que iyadatul marid laysat wajibatan wujuban ayniya. C'est pas une obligation individuelle. C'est chaque musulman comme la prière. C'est pas une obligation comme ça. Ça va? Wal wajibu fi shar'illah. L'obligation dans la législation, c'est ce qu'a ordonné le législateur, qui est Allah, amran jaziman, d'un ordre décisif. Aïe, c'est-à-dire, anna Allah subhanahu wa ta'ala amarana, Allah nous a ordonné de faire l'action, wa alzamana, il nous a ordonné d'abord l'action, wa alzamana bi fi'li, et nous a exigé de faire l'action. فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ Celui qui ne fait pas, فَوَ مُعَرِّضُ نَفْسَهُ لِلْعِقَابِ Il a exposé sa propre personne au châtiment. Donc, الْوَاجِبْ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ L'obligation se catégorise en deux catégories. وَاجِبٌ عَيْنِ وَوَاجِبٌ كِفَائِ L'obligation individuelle et l'obligation commune. Ça va? Wa nani bil wajib al ayni, nous voulons dire obligation individuelle, anna kull muslim, est que tout musulman mukallafun, il est chargé, matloubun, et il lui est demandé, minhu, de faire l'action, an ya'mal hadha al amal, de faire cette action là, mis comme as-salat, la prière. Quelqu'un ne peut pas dire à son frère, si tu vas à la mosquée, si tu finis pour toi, faut faire pour moi. والصيام لجند مولى رمضان طيب وغيرها اي autre que cela فهذا يسمى on appelle cela واجبا عينيا l'obligation individuelle واما الواجب الكفائي quant à l'obligation commune فنعني به on veut dire par cela انه الذي اذا قام L'obligation dont si al-ba'd ou certaines personnes se dressent à le faire, saqata an al-baqin. L'obligation tombe sur les autres. Aïe, c'est-à-dire, an yatlub Allahu tabaraka wa ta'ala minna, qu'Allah nous demande quelque chose, wa an ya'murana bi fi'li, et nous ordonne de faire, laysa al-maqsoud, mais le but n'est pas an yafala ou zayd ou bakr. Que Zayd ou bien Bakr le fasse, lakin al maqsoud, mais le but, an yuf al had al fil, que l'action soit faite. Ça va? Mis comme dafnul mayyit, l'enterrement du mort. Ce n'est pas une obligation du tout musulman de le faire. Donc c'est wajibun kifa'i. C'est wajibun kifa'i. Tayyib. فدفن الميت واجب كفائي وواجب على جميع الأمة c'est une obligation sur toute la communauté أن تدفن هذا الميت d'enterrer ce mort فإذا لم يدفنه أحد si personne ne l'a enterré أثم كل من علم به ولم يفعل toute personne qui a su que telle personne est mort et ne l'a pas enterré, ils sont tous dans le péché. Tayyib. Lakin iza dafanahu wahid, mais si une personne l'enterre, saqata hadha al-wujub, cette obligation tombe an jami' al-umma, sur toute la communauté. Donc, fal matlubu min al-amri, ce qui est demandé de l'ordre de wajibul kifa'i wal fi'l an yuf'al. C'est quelque chose qu'on doit faire. Bighaddi an-nazar an fa'il, c'est-à-dire nous regardons pas celui qui le fait. Adamana bighaddi an-nazar. C'est-à-dire nous ne regardons pas celui qui le fait, mais nous regardons que l'action soit faite. Ça va? Adamana al-wajib al-kifai. Voici le sens de l'obligation commune. Tayyib. Wujud ulama fi al-umma. L'existence des savants dans la communauté, c'est wajib kifai. Ça va? Idha qama bihi al-ba'd, si certains se dressent à le faire, saqata 'anil baqin, ça tombe sur les autres. Wa idha lam yakun bihi ahad, mais si personne ne s'est levé pour faire cela, aw qama bihi ba'd, ou bien d'autres se sont levés, pour le fait la yakfoun et ça il ne suffit pas yabqa hadhal hukm, ce jugement là reste mu'allaqan fi riqab al umma, ça reste accroché sur le cou de la communauté hatta yaqumu bi, jusqu'à ce qu'il se dresse à le faire. Wa illa sinon athimu, ils sont tous dans le péché indallahi tabaraka wa ta'ala. Voyez, hadha ma'na al wajib al kifai, voici le sens de l'obligation commune. Annahu idha qama bihi ba'd al umma, si certaines personnes de la communauté le font, saqata an jami' al umma, ça va, l'obligation tombe. Donnez-moi un exemple d'un wajib kifai. Hein? Al-Azan. Non. Un autre exemple. Le wajib al-kifai. L'Azan, c'est wajib al-kifai. Non. La science de l'héritage. Connaître l'héritage. C'est wajib al-kifai. Non. Toi, tu n'as pas vu autre chose. Hein. C'est héritage. Petit. On te voit venir. Non. L'accompagnement du cortège funèbre. Ça va? Il te va où? Al-Djana. Ou bien? Donc ici, فهنا نقل النووي الإمام النووي أرابورتي ici رحمه الله الاتفاق le consensus على أن عيادة المريض que rendre visite au malade ليست واجبة واجبا عينيا, ce n'est pas une obligation commune. يعني إذا سمعنا, si nous entendons anna fulanan marid, que telle personne est malade, fala yajibu ala kulli wahid minna, ce n'est pas une obligation si chacun d'entre nous en yadhhab li yazour, d'aller rendre visite à son frère. Falaw, c'est-à-dire c'est pas une obligation pour tout le monde d'aller lui rendre visite. Falaw dhahaba wahid, si une personne est allée wa zarahu et l'a rendu visite, saqata hadha al wajib, cette obligation est tombe. Lianna sahih, car ce qui est correct, annahu wajibun kifai, c'est une obligation commune. Ça va? Quant à ceux qui mettent maintenant ziyara dans les 5 amal, celui qui ne l'a pas fait, il n'est pas encore un bon kudama, 8 heures de temps. Hein? Là, il va chercher 8 heures, là, il commence à viser. Il commence à viser les gens dans le quartier. Il vit les Souro, les Youssouf. Hein? Pour aller faire une heure comme ça chez Youssouf, en train de bavarder seulement. Après, il quitte là, il va chez Ouzéifa, il fait une heure. 8 heures de temps dans Kira'at al-Qur'an. Qu'est-ce que ça peut donner? Non, les tabliques, vraiment, on a fait doua pour ceux qui n'ont pas compris, sincèrement. Un problème. D'abord, quelque chose même qui n'est même pas obligatoire. Wajibu aini. C'est-à-dire, ce n'est pas une obligation commune. Mais eux, si tu n'as pas pu faire ça, ce n'est pas encore un coup d'ama debout. C'est un coup d'ama assis. Si tu es assis, tu as duré dans ça, tu deviens couché. Peut-être même après, tu peux devenir coup d'ama mort. Ça dépend de quoi. Hein? Donc regardez, celui qui étudie, voilà pourquoi le cheikh Salah al-Fawzan dit oh, Juhal, c'est des ignorants. Non. Pourquoi? Parce que avant de placer ça même comme principe dans les 5 amal, il faut savoir d'abord si c'est une obligation. Oh bien. Mais il y a un maksoud qui est derrière. Le maksoud, c'est d'avoir le maximum de personnes. Parce qu'ils savent que les ziyara, ou on peut dire la ziyara parce que c'est un mot arabe. Ziyara, c'est quelque chose qui attire beaucoup les personnes. Donc il faut les attirer au maximum. Ça va? Mais pas parce que si tu le fais, tu auras un degré. auprès d'Allah. Mais chez eux, tu auras un degré, parce que c'est leur principe. Est-ce que vous comprenez? Allahu musta'an. Donc ce n'est pas une obligation wajibul kifaya. C'est-à-dire, par exemple, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. C'est une bonne chose de rendre visite à son frère lorsqu'il est malade, surtout lorsqu'il est malade. Tu l'enlèves dans la solitude. Souvent il est là. Lorsque tu viens, tu lui donnes encore l'espoir. Husnuzon billah. Tu lui donnes une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va? Tu lui donnes une bonne pensée en lui disant les bonnes paroles, en lui disant certaines choses. Alhamdulillah. Ça va? Donc c'est une bonne chose. C'est recommandé que tous les musulmans même le fassent. Mais si d'autres l'ont déjà fait, l'obligation tombe sur les autres. Donc, on ne doit pas blâmer tout le monde pour dire « Je suis tombé malade, n'est pas venu me rendre visite. » Pourquoi n'est pas venu me rendre visite? Il n'a pas le sens de la fraternité. Ce n'est pas wajib ou l'aïni. Pourquoi tu me blâmes de cette sorte? Hein? Il ne faut même pas réclamer que tout le monde vienne te rendre visite. Il y a des gens là, quand il vient, il reconnaît ton cas. Il va encore ajouter ton désespoir. Surtout s'il vient trouver ta maladie là, il commence à dire, subhanallah. Cette maladie là, ça a pris telle personne, mais il est mort aujourd'hui. Il t'a tué? Non. Vas-y. Parce que là, toi tu es assis maintenant, c'est ta mort maintenant, tu attends. La moustarde. Non. Quelle est bonne question? Nawawi, non. La source? Non, ici. La source qui est donnée, d'abord le consensus qu'il a rapporté, c'est dans Al-Majmou. L'imam Nawawi rapporte cela dans Al-Majmou et aussi Ibn Hazm rapporte cela dans Maratib al-Ijma. Ça va? Al-Majmou, c'est un livre de l'imam Nawawi dans lequel il rapporte beaucoup les Ijma'at, les consensus. Ça va? Hada min haysul wujub. Ça c'est du côté de l'obligation. Lakin idha dhahaba jam'un. Mais si un groupe de musulmans vont, fa huwa mustahab la ba'sa bihi. C'est recommandé, il n'y a pas de problème. Ça va? Fa huwa wajibun kifai. C'est une obligation commune. Li'anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. قال المسجد الله صلى الله عليه وسلم جعله من حقوق المسلم على المسلم. Il a mis cela comme un droit du musulman sur son frère musulman. Ça va? فمن حق المسلم على المسلم أن يزوره بعض المسلمين. Parmi les droits du musulman sur son frère musulman est que le rende visite certains musulmans. والمراد بالمريض هنا. Il faut préciser comme le cheikh va le préciser ici. Ce qui est voulu par le malade, ici, le malade qu'on doit lui rendre visite, alladhi marida maradan yahbisu anil khuruj ila an-nas. Il faut préciser ça. Celui qui est malade d'une maladie qui le retient à la maison et n'arrive pas à sortir. Ça va? Il est à la maison. Sinon, s'il vient à la mosquée, il se retourne, il vient, il se retourne, mais il dit, j'ai mal de tête, mais ça va. Donc ce n'est pas ce marad dont il s'agit ici. Laysa allazi jarrahatu mathalan. Ce n'est pas celui dont il est blessé, par exemple, par zujaja, un verre ou une vitre, ou mashaba, ou bien autre que cela. C'est-à-dire, quelque chose l'a blessé. Et puis bon, il peut attacher sa main et puis sortir. Ça va? Ce n'est pas celui-là. Toyib. فالسنة في مثل هذا مرض la sunna dans ce genre de maladie même si c'est pas le maqsoul c'est quoi il y a d'autres sahib de rendre visible quand même à celui qui a cela ça va لأن المراد بالعيادة كاسي كي voulu par rendre visite au malade ou à mu'asat al marid c'est de réconforter le malade wa an yasta'nisa bin nas et qui lorsqu'il voit les gens il n'est pas dans la solitude wala yash'ur bil wahda et il ne sent pas la solitude wal inqita' anhum et d'être coupé des gens wa tazkiruhu et aussi le rappeler c'est-à-dire le faire le rappel bi sabri ala al bala de le rappeler sur les temps il an yarfa' anhu et jusqu'à ce que cette maladie soit levée وَذَا يَحْصُلْ بِرُؤْيَتِهِ et cela arrive lorsque tu vois ton frère. Tu le vois. طيب. Cela arrive en ce moment. طيب. نسأل الله العافية والسلامة. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, هذا محمود, on demande aux musulmans, aux frères, de faire l'effort lorsque vos frères sont malades, même si ce n'est pas des maladies graves, mettez cette sunna en pratique. Allez-y leur rendre visite. Et rendez aussi les visites souvent. Ça va entre vous. C'est recommandé. Là, ta frère, ta fille, voilà, il sera. C'est-à-dire, on n'est pas dans le laxisme en ne rendant pas visite à nos frères, mais aussi relou. Hein? Faut pas être comme les bapalines. Ta iman, lorsque tu regardes ta montre, tu vois que tu as du temps. Tu vas vers quelqu'un pour aller causer. Le Cheikh Raslan dit « Minal Ihsan et Talib al-Ilm » Parmi les bienfaits que tu peux accorder à l'étudiant en science, « Allah tazouram » Que tu ne rends pas le visite. Parce que si tu vas, tu dois y aller, tu perds son temps. Les gens aujourd'hui ne viennent pas pour rendre visite seulement. Ils viennent pour créer un grain même chez toi à la maison. Hein? « Kaita wa kait, wa kaina wa zaq, wa sora wa kait » ما تحتاج الى هذا وربك ابن جوزي quand ses bapalines venaient il les occupait il les donnait quelque chose pour faire et lui il se concentrait demain s'il réfléchit ici ah tiens le gars là quand nous on va chez lui là il nous donne les trucs pour pouvoir faire et puis lui même il est occupé donc on va aller faire quoi là bas donc c'est comme ça من الاحسان لطالب العلم الا تزوره et aussi من الجهل que tu vois certaines personnes, ils veulent que le Talib al-Ilm soit partout. C'est-à-dire, quand il y a un de ses élèves qui est malade, il doit forcément aller. Il doit être là. Il n'a pas le temps. Mais s'il rend visite, fawadjid. Mais il peut envoyer des gens. Parce que ce n'est pas un wajibou aïni. Mais c'est kifa'i. Il peut envoyer des gens. Mais tu vois certains ignorants, ils disent, lui là, c'est un prédicateur, mais il ne rend jamais visite aux gens. Il ne rend jamais visite aux gens. Hein? Les savants, ils rendent visite combien de fois à les étudiants? Hein? J'avais Cheikh Rastan en train de se promener dans Soubokol Ahad. Youssouf, est-ce qu'il le fait? Même s'il le fait, c'est de façon très fixe, souvent si, mais... Il y a une occupation qui est là, qui est aham. Il a comme al-Badou. Si certains se sont dressés à le faire parmi des talaba, des étudiants, est-ce que le cheikh est obligé d'aller d'Aïma? Hein? Tu vas voir un étudiant, ça j'ai vu, des frères qui disent à des frères, et d'autres même ont dit cela. Il dit, bon, en tout cas, moi, je ne peux pas venir parce que toi-même, tu ne nous rends pas visite. Ah oui. Moi, je ne t'ai pas rendu visite. Toi, tu ne viens pas prendre d'ars. Qui paie? En toi et moi, là, qui paie? Ou bien, d'ars que tu viens prendre à cause de moi? Hein? Vous voyez l'ignorance? Ça, jahl. On ne néglige pas cela, mais, comme le dit le Cheikh Raslan Hafizahullah, dans son Fadlul Ilm, il détaille beaucoup cette mas'ala. La ziyara. Hein? Même dans Adab l'Islamia, il détaille beaucoup cette mas'ala. La ziyara. C'est important. de savoir que le Tawel Bilaim, son occupation, c'est plus élevé que ces choses-là. Le rendre visite, tu dois y aller, waqt. Tu perds son temps. N'est-ce pas? Daïman, tu le rends visite, daïman. Hein? Et surtout, vous savez qu'on est dans une époque où les gens sont malades. Wa inshi ta sammi zalik. Si tu veux, faut nommer cela bishahwa tul kalam. Shahwa. Ah, lui, non. Il suffit seulement qu'il entende une information. Il voit qu'il y a un mukhalif que toi tu as fait rate sur lui. Et puis le mukhalif a dit une parole où c'est un peu bizarre. Ce jour-là, même s'il ne voulait pas venir à la mosquée, il doit venir dire quelque chose. Non, il va venir écouter le dars. Et après le dars, il va dire, Moudaris. T'as vu, le gars là, il a dit ça. Maza Touré d'Anafal. Tu veux que je fasse quoi? Podradatou Ali. J'ai déjà fait là-dessus. Maintenant, tout ce qu'il est en train de faire, j'ai dit, c'est un innovateur. C'est fini, t'as le mordou. Ou bien, le reste, c'est machra là. Tu m'occupes. Après, des paroles, ça ne finit pas. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous accorde le bon comportement. جزاكم الله خيرا وبسرتي سي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين